Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Discothèque Classique. Discothèque Classique, c'est votre rendez-vous avec la musique classique tous les samedis et dimanches de 11h à midi sur Fadjet. Eh bien, c'est gentil à vous de nous écouter. Et aujourd'hui, ouvrons l'émission avec un peu de Mendelssohn, sa symphonie italienne. Eh oui, parce que Mendelssohn, né dans un milieu aisé, fut probablement l'un des premiers touristes d'Europe. Il s'est promené en Grande-Bretagne, en Écosse, mais aussi en Italie. Et il nous a rapporté cette symphonie italienne, qui n'est en rien descriptive de l'Italie, si ce n'est que, quelque part, c'est une musique très ensoleillée, très dansante, et qui exprime certainement la bonne humeur, la jovialité des habitants de ce pays. Alors on va écouter le début de cette symphonie numéro 4 italienne de Mendelssohn avec l'Orchestre Symphonique de Londres, dirigé par Claudio Abbado. Thank you. la symphonie numéro 4 italienne de Mendelssohn avec l'Orchestre symphonique de Londres dirigé par Claudio Abbado. Et donc, je le disais, Mendelssohn s'est rendu en Italie, mais un autre compositeur bien avant lui s'était déjà rendu dans ce pays, c'était Handel. Il est vrai que l'Italie, c'est un petit peu la Mecque des musiciens au XVIIIe siècle. On y va parce que bien, c'est le berceau de la musique, de l'opéra en particulier. Et Handel, lui, n'y est pas allé pour faire du tourisme. Il s'est vraiment rendu en Italie pour étudier, rencontrer les maîtres de l'époque. Et cette musique italienne qu'il a écoutée, qu'il a appréciée, il l'a intégrée à sa propre musique. Alors ce qu'on va écouter n'a rien à voir avec la musique italienne. C'est un extrait des musiques pour les feux d'artifice royaux, qui est une pièce de réjouissance qui a été composée en l'honneur de la paix signée lors du traité d'Aix-la-Chapelle en 1748, et l'œuvre fut donnée un an plus tard, dans une soirée nocturne, près du palais de Buckingham, avec un orchestre qui devait sonner, un orchestre plutôt destiné au plein air, donc un orchestre de vent. Et bien voici extrait de ces feux d'artifice royaux de Georg Friedrich Händel, La Réjouissance par l'Orpheus Chamber Orchestra. Musique royale par excellence, hein, la réjouissance tirée de la musique pour des feux d'artifice royaux de Georg Friedrich Händel par l'Orpheus Chamber Orchestra. Modeste Moussorgski, il a composé un cycle pour piano très important qui s'appelle Les tableaux d'une exposition, composé en 1874 et qui évoque les déambulations dans une galerie d'art d'un musicien et en l'occurrence une exposition du peintre Victor Hartmann, qui, dans sa peinture, eh bien, avait évoqué l'Italie, la Pologne, la France. Et évidemment, on connaît la version orchestrée par Maurice Ravel dans les années 20, qui est vraiment quelque chose d'assez exceptionnel. D'ailleurs, les tableaux d'une exposition n'ont pas été orchestrés uniquement par Ravel, mais par d'autres musiciens, comme Léopold Stokowski, par exemple. Mais c'est nettement moins convaincant que l'orchestration Ravel. Alors, pour ce matin, on va écouter la version originale pour piano. J'ai choisi deux extraits de ces tableaux d'une exposition, Promenade, qui revient régulièrement dans l'œuvre, c'est le thème principal du recueil, et puis Le marché de Limoges. On écoute ces deux pièces jouées par Alice Sarah Ott. Deux extraits des tableaux d'une exposition de Modeste Moussorgski, joué au piano par Alice Sarah Ott. Et on continue avec Puccini, évidemment l'un de ses opéras les plus célèbres, Tosca, et l'un des airs fameux de cet opéra qui en compte tant, notamment la prière de la Tosca, mais aussi le ciel brillait, les étoiles brillaient dans le ciel, l'air de Mario Cavaradossi qui va donc être fusillé, qui regarde l'ouverture de sa cellule, derrière les barreaux, eh bien, les étoiles dans le ciel. Et on va écouter cet air fameux chanté par l'un des grands ténors de notre temps, c'est Placido Domingo. L'orchestre du Met musical florentin est dirigé par son ami Zubin Mehta. Valles L'air fameux de Mario Cavaradossi, chanté par, par Placido Domingo et non par Luciano Pavarotti, mais c'est vrai que je le passe souvent, cet air chanté par Pavarotti. J'ai voulu changer l'air « Les étoiles brillaient dans le ciel » tiré de Tosca, l'orchestre du mai musical florentin, dirigé par Zubin Mehta. Et nous retrouvons notre cycle des concertos pour piano de Mozart. Alors aujourd'hui, c'est vraiment un concerto très important, le 23e. Pourquoi ? Eh bien, c'est probablement l'un des plus joués, l'un des plus enregistrés, l'un des plus appréciés du public. Il date de 1786 et il est contemporain des Noces de Figaro. Et peut-être avez-vous vu autrefois, bon, je ne sais pas si c'est repassé à la télé, mais enfin la série de Marcel Bluval consacrée à Mozart. Léopold, le père de Mozart, était incarné par Michel Bouquet. Et on le voyait dans la nuit portant cet enfant, l'enfant qui venait de naître et qui était donc Wolfgang Amadeus. Et sur fond musical, il y avait cet adagio du 23e concerto pour piano, œuvre sublime. Je vous le propose, joué par Gezza Honda au piano et le Camerata Academica du Mozarteum de Salzbourg. Thank you. Le sublime adagio du 23e concerto pour piano de Mozart. Je pense que même si Mozart n'avait composé que cet adagio, il serait passé à la postérité. Et c'était la version de Gezza Onda avec le Camerata Academica du Mozarteum de Salzbourg. Un peu d'opérette viennoise maintenant avec Cavalerie légère de Franz von Suppé, né en 1819, mort en 1895. Franz von Suppé, l'un des rois de l'opérette viennoise, qui a connu beaucoup de succès de son vivant. Il était très apprécié pour ses opérettes. Il a composé une opérette qui s'appelle Cavalerie légère, qu'on ne joue plus guère, sauf l'ouverture, qui reste un des piliers des concerts de musique légère, notamment à Vienne, le 1er janvier. On joue régulièrement cette ouverture de Cavalerie légère. Alors, ça se passe au XVIIIe siècle, c'est l'histoire d'une comtesse, et justement, cette Cavalerie légère, c'est son ballet. Eh oui. Bon, moi, je trouve que c'est une ouverture, en tout cas, qui est assez représentative de l'époque qu'il a vu naître, des thèmes très enjoués, très lyriques. Et puis, quelque part, la musique militaire autrichienne. Et puis, la Xardas, qui correspondait un peu à la musique de la Hongrie, donc l'Empire austro-hongrois de François Joseph. Voici cette ouverture Cavalerie légère par l'Orchestre Philharmonique de New York, dirigé par Leonard Bernstein. Thank you. disais, très lyrique et en même temps un peu militaire, c'est vrai, l'ouverture de Cavalerie légère de Franz von Suppé avec l'Orchestre Philharmonique de New York, direction Leonard Bernstein. Et on continue avec un contemporain de Suppé, c'est Franz Liszt, évidemment le maître du piano. Franz Liszt, finalement, sa musique est assez difficile d'accès pour beaucoup d'œuvres en tout cas. Mais il y a quand même une page qui est parmi les plus jouées et souvent offerte d'ailleurs en bis par les grands pianistes. C'est son troisième rêve d'amour. Et oui, il en a composé trois, des rêves d'amour. Et ce sont en fait des nocturnes. Et on sait quel amoureux fut Franz Liszt, des passions brûlantes avec des femmes comme la comtesse d'Agoult, par exemple, et donc un pianiste, en tout cas un formidable virtuose, le plus grand virtuose peut-être de son temps, le maître en tout cas, et en dépit donc du fait qu'il était prêtre, qu'il avait été ordonné dans les ordres mineurs, il était quand même très, il avait de brûlantes passions amoureuses. On va écouter donc ce troisième rêve d'amour joué par Clara Wurtz. Thank you. Le célèbre troisième rêve d'amour de Franz Liszt, joué au piano par Clara Wurtz. Liszt, on le sait, qui fut un grand transcripteur d'œuvres symphoniques vers le piano. Et curieusement, il a très peu, à ma connaissance, transcrit d'œuvres baroques. Et c'est vrai qu'à l'époque baroque, on transcrivait un concerto d'un instrument à un autre. Bach l'a fait notamment pour certains concertos de l'Estro Armonico de Vivaldi, qui était composé pour quatre violons, il l'a arrangé pour quatre clavecins. Et dans une démarche un peu équivalente, similaire, voici un concerto de Vivaldi, concerto pour violon, Rium 356, arrangé pour trompette par la trompettiste britannique Alison Balsom, qui a réalisé d'ailleurs une transcription tout à fait convaincante de ce concerto très célèbre. Je vous en propose le presto, joué donc par cette trompettiste remarquable, Alison Balsom. Elle est accompagnée par le Scottish Ensemble. Presto du concerto pour violon Rium 356 de Vivaldi dans une version pour trompette réalisée par la trompettiste Alison Balsom, qui en était la soliste, et puis l'ensemble, le Scottish Ensemble, l'accompagné. Encore une transcription, tiens, mais alors de Tchaïkovski, cette fois lui-même, il a transcrit une de ses romances pour piano dans une version violoncelle et orchestre. Tchaïkovski, qui a énormément composé, 6 symphonies, 3 concertos de piano, un concerto pour violon, des variations rococo pour violoncelle, et puis des opéras, Eugène Onéguine, La Dame de Pique, Mazeppa, et puis cette petite pièce, qui est une pièce de salon en quelque sorte, hein. On va l'écouter interprété par le violoncelliste Jan Vogler. Il est accompagné par les solistes de la chapelle de Dresde, dirigée par Helmut Brani. Thank you. Nocturne de Tchaïkovski, interprété au violoncelle par Jan Vogler. Les solistes de la chapelle de Dresde étaient dirigés par Helmut Brani. Et on continue avec Rossini. Rossini, son ouverture du Barbier de Séville. Rossini, ça a vraiment été un enfant prodige, né en 1792 à Pesaro. On l'avait d'ailleurs surnommé le cygne de Pesaro. Il s'est fait connaître très jeune par la qualité de ses opéras. Il en a beaucoup composé, 40. Et pourtant, il a arrêté de composer assez tôt, vers 1825-26. Il devait mourir en 1868. L'un des maîtres de l'opéra, magnifique compositeur pour la voix. Et parmi les opéras les plus célèbres de Rossini figure Le Barbier de Séville, 1816, qui a été composé dans l'urgence. Mais c'est vrai que Rossini composait souvent à la commande et dans l'urgence. Et comme il n'avait pas d'ouverture sous la main qui était prête, il a repris l'ouverture d'un autre opéra, Élisabeth, reine d'Angleterre, pour ce Barbier de Séville. On va écouter justement cette ouverture du Barbier de Séville, jouée par le New York Philharmonic, dirigée par Leonard Bernstein. Thank you. L'ouverture du Barbier de Séville de Rossini, interprétée par l'Orchestre Philharmonique de New York, dirigé par Leonard Bernstein. Et on va terminer l'émission avec une pièce de Liszt, Waldrauschen, Les Murmures de la Forêt. Et oui, 14 ans avant Wagner et son Siegfried, où il y a des Murmures de la Forêt, Liszt composait ses propres murmures. On écoute cette pièce interprétée par Clara Wurtz. La superbe étude Waldrauschen, Les Murmures de la Forêt de Franz Liszt, interprétée par Clara Wurtz. Voilà, on en reste là pour aujourd'hui, mais vous le savez, on se retrouve demain à 11h pour une nouvelle émission de Discothèque Classique. Alors demain, ce sera une spéciale Noël, comme on est à quelques jours de cet événement annuel et de Noël, eh bien, on vous proposera tout un programme musical autour du thème de Noël. Voilà, je vous attends demain à 11h. D'ici là, passez une bonne journée et à demain.